Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai patrimoine, votre émission mensuelle co-réalisée avec l'équipe passionnée, mais passionnante également, du Pays Loire-Touraine, pays d'art et d'histoire. Chaque mois, nous partons à la découverte de notre patrimoine local sous toutes ses facettes et avec des invités qui font vivre notre territoire. Alors quand je parle d'invités, devrais-je dire plutôt des animateurs, puisqu'ils sont là en termes vraiment de dans leur position d'animateur. Pour cet épisode d'octobre, on a la chance de recevoir Anna Brisson. Bonjour Anna. Bonjour Marlène, bonjour à toutes et à tous. Alors Anna est guide conférencière, elle est passionnée, bien évidemment. Elle va nous parler aujourd'hui du programme des vacances de Toussaint, du monde du travail au féminin. Et puis on va parler également en murder party avec une animation originale qui sera organisée dans la région. Donc eh bien, préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes et des initiatives qui font vivre le patrimoine autrement. Alors, est-ce qu'on peut commencer, Anna, par les activités prévues pour les vacances de Toussaint ? Bah oui, avec plaisir, puisque les vacances approchent à grands pas, comme on dit. Donc, comme tous les ans, pour toutes les vacances scolaires, avec mes collègues, Lauriane Kell et Camille Touleland, on s'investit pour valoriser le patrimoine auprès des plus jeunes, auprès des familles. Donc, cette année, pour la Toussaint 2025, nous vous proposons quatre actions, quatre animations différentes réparties sur les deux semaines des vacances, deux durant la première semaine, deux durant la seconde semaine des vacances scolaires. Puis vous allez voir, c'est assez varié. On va commencer avec une de nos best activities, c'est la chasse au trésor. Oui. Eh oui, les petits explorateurs du patrimoine. Alors, ils ne viennent pas forcément avec leur loupe, mais ils viennent avec leurs yeux. C'est important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'observations. On va s'installer dans une commune du territoire. Là, le mardi 21 octobre à 14h30, Camille posera ses valises à Larçay. Donc, c'est une jolie commune sur la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, au bord du Cher. Et elle accueillera les enfants accompagnés de leurs parents pour une chasse au trésor qui dure environ, on va dire, 45 minutes. Donc, quand ils arrivent, au niveau de la table d'accueil, Camille va leur remettre la petite fiche jeu en leur donnant les quelques petites consignes. Et ils vont avoir un parcours à suivre dans la ville, différents édifices à observer, des petits détails, parfois à compter, parfois ce sont simplement des visuels. Et à la toute fin, une fois les différentes étapes franchies, les différents mots trouvés, les lettres mystères identifiées, ils remettent tout ça dans l'ordre et le mot mystère est dévoilé. Si la réponse est bonne, si c'est le bon mot mystère, eh bien Camille leur ouvrira le coffre au trésor. Donc c'est la possibilité, voilà, de découvrir une commune, soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on connaît, mais sous un autre angle. Ça va très très bien pour les enfants de 6 à 12 ans. Quand ils sont plus petits, les plus grands peuvent les aider. Voilà, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, si la météo est avec nous, c'est en plus un petit moment en plein air sympathique. C'est un moment génial pour l'avoir testé avec mes enfants. Je le recommande. Et puis on prend son temps, chacun va à son rythme, c'est génial. Pas de chrono, voilà, donc c'est fantastique. Et puis Larçay, attendez, Larçay tout de même un patrimoine fantastique, la vallée du Cher, plusieurs châteaux, l'église qui est placée sous le vocable de Saint-Symphorien, et puis le Castellum. On a de la chance, un des édifices antiques sur le territoire du Pays Loire-Touraine se situe dans la commune de Larçay. Donc non, de belles découvertes en perspective avec cette chasse au trésor pour les plus jeunes accompagnés de leurs parents. Ou de leurs grands-parents, ou de leur tata et tonton, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Le principe est toujours le même, on réserve sur le site du Pays Loire-Touraine. Tout à fait, www.paysloiretouraine.fr. Quand on arrive sur le site, en haut à droite, il y a un petit onglet billetterie qui est bleu. Et quand on réserve, on a deux options. Soit on fait une pré-réservation et on peut régler sur place le jour J auprès de Camille, soit on peut régler directement en ligne. Comme ça, c'est fait, on n'a pas besoin de penser à son porte-monnaie le jour J. Exactement, mais faites vite quand même, parce que ça a du succès, ces moments-là. La même semaine, le vendredi 24 octobre, toujours l'après-midi à 14h30, eh bien, les familles pourront suivre une visite sur la commune de Montreuil, en Touraine. Alors, ces visites familles, elles accueillent à la fois les plus grands et les plus petits ensemble pour une seule une seule, oui, et même visite. Ce n'est pas une visite que pour les tout-petits, ce n'est pas une visite que pour les plus grands. Vraiment, on accueille tout le monde en même temps. Pour que chacun y trouve son compte, on a un vocabulaire adapté pour chacune des tranches d'âge, tout simplement. Et puis, parfois, on a aussi des adultes qui viennent sans enfants. C'est possible, nous, on accueille tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle famille qu'on ne peut pas venir tout seul ou tout seul si on est grand. Aucun souci. Et puis, à Montreuil, on a les vestiges d'un château de la toute fin du Moyen-Âge. Oui. Donc, c'est sympathique. Souvent, les châteaux, les forteresses, ça intéresse la jeunesse, entre autres. Voilà. Et puis, c'est vrai que la commune a mis en place des observatoires de la biodiversité. Donc, je pense que Camille va en parler. Ce sera l'occasion, parmi les premières fois, d'évoquer ce sujet-là avec les plus jeunes sur la commune de Montreuil. Il y a un gros travail qui a été fait sur, justement, la classification, le repérage, bien l'atlas de la biodiversité qu'avait mené la communauté de communes du Val d'Amboise. Et on salue Thomas Boucard qui vient régulièrement pour nous parler des points d'étape et des suites données à ce beau projet. Et puis après, il y a la semaine 2 des vacances. Mmh. J'aurai la chance d'accueillir les enfants le mercredi 29 octobre, toujours à 14h30. Vous avez vu, c'est facile. Hein. On donne un rendez-vous toujours à la même heure. Donc le mercredi 29 octobre, nous serons installés à l'office de tourisme de Montlouis-sur-Loire pour accueillir au sein de l'office, dans les locaux de l'office, les plus jeunes pour un atelier qu'on a appelé l'atelier gâteau-façade. Bon, déjà, il y a gâteau. Déjà, il y a gâteau. Façade, bon, c'est le petit plus. Oui, c'est ça. Donc, l'idée là, ça va être d'observer via de nombreuses images que j'ai préparées en amont les différents types, les différents styles de façades présents sur la commune de Montlouis-sur-Loire. Alors, on peut regarder les façades des maisons, mais les façades des églises également, la façade de la médiathèque, la façade de l'office de tourisme. Enfin, voilà, tout plein de façades très, très différentes les unes des autres. Pour les plus jeunes, on va s'intéresser particulièrement aux formes. C'est bête, mais les rectangles, les triangles, etc. Pour les plus grands, on va s'intéresser au décor. Pour tous, on va s'intéresser aux matériaux. Et ensuite, l'idée, dans un second temps, ça va être de reproduire la façade de son choix sur une grande génoise, hein, pour de vrai, environ 30 cm par 40 cm de côté, assez fine, donc qui servira vraiment de support, et ensuite avec des fruits, des petites friandises, des petits bonbons, on va pouvoir dessiner la façade sur la génoise. Et ensuite, c'est bien sûr une création qu'on emporte, et c'est le goûter est tout prêt, quoi. Mais voilà. Oui, c'est parfait. Alors justement, l'Office de tourisme Montlouis-Vouvray, dans sa programmation d'automne, a décidé de mettre en valeur l'artisanat local. Mmh. Et d'ailleurs, il y a très peu de temps, on a reçu Clélia Pinel qui nous en a parlé dans cette émission et qui a évoqué ce rendez-vous que vous proposez avec le pays. Ce sont des partenariats très importants que nous menons avec les différents offices du territoire. Et c'est vrai que l'office de Montlouis, avec en plus ses nouveaux locaux, se prête parfaitement à l'accueil de petits groupes de 10-12 personnes pour des activités inédites comme celle-ci. Et la petite boutique qui permet de ramener un petit souvenir aussi. Oui. Et puis nous terminerons les vacances de la Toussaint le jeudi 30 octobre, bien sûr à 14h30, pour une visite qui prendra presque les aspects d'une petite randonnée au bord du Cher, en famille, entre Franqueuil et le château de Chenonceau. Mmh. Et oui, on va s'installer sur la rive gauche du Cher. Le rendez-vous est donné au niveau de ce qui s'appelle le port Olivier à Franqueuil. C'est juste à côté du pont qui traverse le Cher entre Chissot et Franqueuil. De là, nous partirons tous ensemble à pied à la découverte à la fois des moulins sur la rivière, mais également de la faune, de la flore. Et bien sûr, nous marcherons jusqu'au château de Chenonceau pour évoquer cet ouvrage d'art particulièrement remarquable, ce château des Dames, voilà, que les enfants aiment beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'avec sa particularité d'enjamber totalement la rivière, il met un petit peu des paillettes dans les yeux. On est d'accord. C'est un rendez-vous famille, là, encore? Oui, c'est encore un rendez-vous famille. Donc, les plus jeunes, les plus grands, ou que les plus grands, s'ils veulent, il n'y a aucun souci. Ok. Et si on a des petits monstres d'Halloween, ils peuvent venir Ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. Ils seront acceptés avec grand plaisir. Je ne suis pas sûre, moi, de mettre mon costume d'Halloween, mais bien sûr, oui, les plus jeunes, mais même les plus grands en costume, seront acceptés bien volontiers. Mais c'est vrai qu'on sera à la veille d'Halloween. Mais oui, ça passe, hein. Oh là là. C'est vrai. Donc voilà, un programme assez varié pour les vacances de la Toussaint, à la fois des visites en famille, un atelier, en intérieur, et puis une chasse au trésor. La suite, ce sera pour la période de Noël, voilà, pour les plus jeunes. Et puis voilà. Parfait, Anna. Moi, j'avais une petite question, Anna, parce que je suis très curieuse. Oui. On sait que pendant les Journées européennes du patrimoine, vous avez fait découvrir un site mystère. Alors, oui. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est passé, en plus, c'était complet, ça a été très vite complet, vous avez fait découvrir quoi au public? Alors, nous étions sur la commune de Souvigny de Touraine, donc dans le Val d'Amboise, et nous avons été reçus par Madame Poitevin, qui est la propriétaire du Moulin du Bourg. Mmh. Donc, quand on est sur la place de l'église, c'est 3-4 minutes de marche à pied pour un moulin qui est mentionné vraiment dès la fin du Moyen-Âge, avec des bâtiments exceptionnellement bien conservés, restaurés et rénovés par les propriétaires. La roue n'est plus là, mais on a quand même eu un accès bien sûr privilégié à la fois à l'emplacement de ce qu'on appelle le bief et de la roue, mais aussi au four à pain. On a pu faire vraiment tout le tour des bâtiments avec vraiment une propriétaire tellement gentille et je pense tellement heureuse, voilà, de faire partager pendant un petit moment son patrimoine à elle. Nous, on était tous ravis. C'était vraiment un site fantastique. J'ai eu la chance de travailler, on va dire, de concert avec monsieur Alexis René, qui est technicien pour le syndicat mixte du bassin de Lamasse. D'accord. Donc, on a de plus proposé une visite, vous voyez, à deux voies. Moi, j'étais vraiment sur l'histoire du moulin, les cartes anciennes, la fonction de moulin, et puis l'histoire des moulins à travers les âges, et puis plus spécifiquement les moulins en Touraine. Et lui nous a beaucoup parlé de la rivière de Lamasse, du fonctionnement précis de ce moulin du bourg. Donc, c'était vraiment un très, très chouette moment. Et oui, j'ai ouvert les inscriptions et 3 jours après, c'était complet. C'est ça. Mais il n'y a qu'au Pays Loire-Tour. Il n'y a qu'avec le Pays Loire-Touraine que vous pouvez découvrir des sites comme ça d'exception qui n'ouvrent leurs portes que très exceptionnellement. Oui. C'était la première fois qu'elle le faisait. J'ai l'impression qu'elle était très heureuse et que ça s'est bien passé pour elle. Peut-être, sait-on jamais, aurons-nous un jour l'occasion d'y retourner. Madame Poitevin, si vous nous écoutez, voilà, l'appel est lancé. Ok, et ben super programme pour ces vacances de Toussaint, Anna. Est-ce qu'on parle maintenant de la murder party? Ah oui, bah oui, surtout qu'on vient de parler de la Toussaint d'Halloween. Allez, la murder party. Alors oui, la murder party, on est sur une enquête spectacle. Voilà. Donc, un petit commentaire sera dit en préambule. Là, c'est Camille qui vous accueillera, donc par Camille, concernant le lieu d'accueil, en l'occurrence la Courcy-Caudry. Est-ce que Marlène, vous savez où se trouve la Courcy-Caudry? Courset. Ah, on aurait envie, c'est vrai. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est à Bléré. C'est le nom de cet hôtel particulier qui a été une maison particulière, donc un hôtel particulier construit par Monsieur Lemaître, qui a été maire de la commune de Bléré. Il avait fait appel à un architecte parisien qui s'appelait Monsieur Fano. Et voilà, on a un très très bel hôtel particulier dans le style néoclassique, qui est devenu hôtel de ville, et c'est dans cet hôtel de ville que se tiendra la murder party qui s'appelle l'affaire Dracula. Oh, bien choisi. Eh bien oui. Vous avez la compagnie théâtrale qui vient bien à cette sûr. Occasion. Eh bien, comme d'habitude, enfin comme souvent en tout cas pour le Pays d'Arrêt d'Histoire Loire-Touraine, nous faisons appel à la compagnie Alborada de Chinon, avec Nathalie Barbelivien et Paul-Étienne Tréfé, qui sont tous les deux comédiens, mais aussi auteurs. Ils ont écrit totalement cette murder party qu'ils interprètent. Donc l'idée, c'est qu'on a le cercle des énigmes policières qui entre en jeu. Une pièce de théâtre est censée être jouée, le rideau ne se lèvera jamais. Ah oui. C'est terrible. Donc, on est dans les années 20, on est en 1927, voilà. Et c'est à partir de 14 ans, ça, c'est assez important. Alors, c'est pas tant parce que c'est impressionnant visuellement, même si c'est quand même une enquête policière, donc on fait attention pour les plus jeunes, mais c'est surtout que c'est vraiment 2 heures d'enquête et vous avez les méninges dans tous les sens qui s'agitent. Ça fume. Ça fume, comme on dit exactement. Et ça demande une réelle concentration, donc c'est un vrai jeu. Vous participez pleinement à cette enquête spectacle. Ça demande beaucoup de réflexion, un petit peu de cohésion aussi. Ouais. Donc voilà, c'est à partir de 14 ans uniquement. Et là, au moment où nous parlons, il reste une dizaine de places. Ah oui. Donc, au moment où vous nous écoutez, dépêchez-vous. www.paysloiretouraine.fr, la billetterie, Murder Party, c'est le samedi 8 novembre à 18h et ce sera donc à l'hôtel de ville de Bléré dans la salle du conseil municipal. Oui, à 18h, 8 novembre, on imagine qu'il fera obscur en plus. Oui. Eh oui, tous les éléments sont bien réunis. Ok. Ben merci Anna, encore plein de beaux rendez-vous. Hein. Ça ne cesse jamais, ils ne dorment jamais au Pays Loire-Touraine, figurez-vous. Peu, on dort peu. Ils prennent très très peu de, de vacances. Mais c'est pour notre plus grand plaisir. On imagine, en fait, c'est avant tout là notre plaisir et notre mission, c'est vraiment partager du mieux que l'on peut. Et vous voyez, sous plein de formats, plein de formes différentes. Donc on est toujours très très heureux, très heureuse aussi de partager tous ces moments avec un public... fidèle. Ça, c'est important aussi. Ça nous touche, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais c'est pas pour rien qu'on parle de passionné quand on vous accueille. Hein. C'est, voilà, tout est dans le mot. Alors, on va parler des femmes et du travail au féminin. Ah oui. Et peut-être qu'on pourrait marquer la pause en musique maintenant. Oh, la bonne ça idée. Ça serait pas mal. Hein. Mm-hmm. Alors, Anna, très judicieusement, elle a choisi une chanson qui s'y prête particulièrement bien. Ben oui, j'aimerais bien parce que le travail, oui, c'est important, mais s'amuser, c'est pas mal aussi. Du coup, j'aimerais beaucoup qu'on puisse écouter ensemble Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Ah ben c'est parti, Vincent, il est prêt. Ça se démode pas. Oh non, puis c'est toujours un vrai plaisir. Oui, et puis c'est joyeux d'entendre cette chanson. Mais oui, voilà. Et puis ça parle des femmes. Bah oui, et là, c'est un sujet important. C'est le sujet qui va clôturer cette émission. Encore quelques minutes à passer ensemble dans Je peux pas, j'ai patrimoine, avec aujourd'hui Anna Brisson. Rappelons qu'elle est guide conférencière, Anna, pétillante et passionnée, qui est venue aujourd'hui nous parler à la fois des vacances de Toussaint. Alors, plein de rendez-vous. On retient le 21 octobre à Larçay, on retient le 24 octobre à Montreuil, le 29, c'est à Mont-Louis, le 30, Franqueuil-Chenonceau, tout plein de sorties à faire. On retient également la Murder Party du 8 novembre qui aura lieu à Bléré. Tout à fait. Et puis un autre rendez-vous qui cette fois aura lieu le 7 novembre. Oui, alors là c'est quelque chose de particulier à plusieurs titres. Déjà, ce n'est pas un sujet qui m'est venu comme ça à l'esprit en me disant « Oh tiens, j'aimerais bien parler de ce sujet-là ». Ça le fait pour le chemin de fer, ça fait pour le Cher canalisé par exemple, qui sont des sujets pour moi de prédilection. Là, c'est une commande qu'on nous a passée. En fait, l'équipe... Ah, on peut vous passer commande. Ah ben, on peut tenter en tout cas. Là, ce sont plusieurs dames qui ont suivi une visite que j'ai proposée l'année dernière au mois d'octobre dans le cadre des JNA, les Journées Nationales de l'Architecture, qui sont venues me trouver à la fin de la visite. Cette visite, elle portait sur le patrimoine de l'industrie à Amboise. Et j'avais montré plusieurs exemples de photographies où l'on voyait des femmes à l'ouvrage dans certaines usines d'Amboise. Et elles sont venues me voir en me disant « Oh là là, on a beaucoup aimé votre visite, alors déjà ça fait très plaisir, et on aimerait bien peut-être vous faire intervenir l'année prochaine, est-ce que c'est envisageable ?» Ben oui, bien sûr, prenez contact avec nous. Elles sont venues nous rencontrer au mois de janvier, et il s'avère que cette association, ce café associatif qui s'appelle la Belle Poule, situé en Amboise, vous les connaissez peut-être. Mais oui, on connaît la Belle Poule. Ils sont venus nous trouver et nous ont expliqué que pour cette année 2025, ils avaient envie d'avoir un fil rouge avec pour thème la femme, les femmes de Touraine. Et au regard de cette visite sur le patrimoine de l'industrie, ils se sont dit que peut-être le monde du travail des femmes, et plus spécifiquement des femmes en Touraine, pourrait être un sujet intéressant. Donc bien sûr, oui, tout de suite, on n'a pas sauté sur l'occasion, mais on s'est saisi de ce sujet. Et la difficulté, parce que je peux commencer par cela, c'est que ce n'est pas pour moi un sujet d'architecture. Et oui, donc j'ai rien pour me repérer, même pas un bossage en table, même pas une agrafe sur une fenêtre, pas de pilastre, rien. On n'est non pas du tout sur un sujet d'architecture, mais on va être sur un sujet plutôt de sociologie ou d'histoire et de sociologie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez différent de mes recherches habituelles, mais extrêmement, extrêmement intéressant. Et ils nous ont proposé d'intervenir dans le cadre de leur programme sur la fin d'année. Donc nous, on s'est inscrite pour le mois de novembre, le vendredi 7 novembre en l'occurrence, en proposant le sujet du monde du travail au féminin, et plus spécifiquement en Touraine, et aussi encore plus spécifiquement au 19e et au 20e siècle. Voilà. Donc oui, on essaie de se rapprocher bien sûr d'Amboise le plus possible, mais attention, parce que le café associatif La Belle Poule monte en parallèle une exposition sur les femmes dans les industries à Amboise, donc je ne voudrais pas tout dévoyer lors de la conférence avec leur exposition qui intervient juste après, donc je parlerai un petit peu des industries à Amboise, mais autour surtout, et je laisserai au café associatif La Belle Poule la primeur de parler vraiment de ce qui se passait dans les usines, les industries et les ateliers d'Amboise. Mais voilà un petit peu le point de départ pour ces recherches sur le monde du travail. J'ai de la chance parce que des historiennes, des anthropologues, des sociologues se sont intéressés à ce sujet depuis de très nombreuses années. Donc j'ai pu écouter de nombreux podcasts, j'ai regardé beaucoup de vidéos aussi sur Internet et j'ai lu un ouvrage passionnant que je ne peux que conseiller. Alors, c'est un petit peu un pavé, il faut vraiment avoir envie de se plonger dans le travail de la femme, hein. Mais il s'appelle « Les femmes ont toujours travaillé ». Il est paru en 2002 et rédigé, écrit par Sylvie, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, Schweitzer. Voilà. Vraiment, je pense, un ouvrage de référence aujourd'hui. Et puis, il y a des historiennes, je pense à Christine Barr, hein, qui se sont spécifiquement intéressées à la question de la femme à travers l'histoire et du coup, à la femme dans le cadre du travail. Et j'ai l'impression que c'est depuis plusieurs années, oui, c'est un sujet primordial, sans forcément être du côté militantisme, mais déjà... On n'est pas sur un rendez-vous féministe. Non, en fait, ce qui se passe, cette question, elle est très ténue, Marlène, parce que l'idée, c'est déjà d'être factuelle. Moi, c'est mon métier, c'est toujours de ne pas prendre parti, d'essayer d'être la plus factuelle possible, mais, il y a un mais, je suis une fille. Et, oui. Et ça, je ne peux pas m'en défaire. Donc, j'essaie d'être toujours la plus impartiale possible. Après, il se peut que de temps en temps, il y ait une once d'un tout petit aspect militant qui transparaîtrait, qui déborderait. Mais là, je ne peux rien y faire parce que je suis une femme. Voilà. Et c'est le cas, en fait. C'est ce qu'on dit souvent, même ces historiennes, on a beau vouloir être les plus factuelles possibles, notre genre, notre sexe, dès le départ, nous oriente très légèrement. Évidemment. Voilà. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de ne pas être militante, mais sans pour autant être l'inverse de militante. C'est-à-dire que je... On entend bien. Voilà, c'est ça. Qu'il n'y a aucun extrême dans votre... Non, c'est ça qui est important. Moi, j'avais envie d'avoir devant moi le tableau, l'image, voilà, de ce qu'est le travail d'une femme en France, en Touraine, au 19e et au 20e siècle. Bon, bah, je peux vous dire qu'en lisant l'ouvrage de Sylvie Schweiter, à chaque paragraphe, j'aurais été prête à verser une larme. Ah oui. Ah oui, c'est totalement édifiant. Le Code civil de 1804, puisque mon propos se concentre particulièrement sur les 19e et 20e siècles, le Code civil de 1804 nous explique à quel point la femme va manquer de droits civils, de droits civiques. Dans l'article 213, il est expliqué que la femme doit obéissance à son mari. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'en fait, la femme au 19e siècle n'est définie que... qu'à travers son statut juridique vis-à-vis de l'homme. Soit elle est mademoiselle, mademoiselle c'est la jeune femme non mariée, soit elle est madame, c'est la femme mariée, soit elle est veuve quelque chose, elle est donc la femme d'un homme décédé. La femme n'est définie que par son statut au regard de l'homme. Elle n'a bien sûr, la femme mariée, pas le droit de travailler si elle n'en a pas l'autorisation de la part de son mari. Oserais-je dire qu'au 19e siècle, c'est presque moins inconfortable d'être une jeune fille pour pouvoir travailler que d'être une femme mariée. Les jeunes filles peuvent plus facilement travailler, les mères célibataires non mariées peuvent plus facilement travailler, même si elles sont extrêmement mal vues de la société, et les veuves peuvent travailler puisqu'on comprend qu'il y a un manque de salaire de la part de l'époux désormais absent, et donc on leur concède le fait de pouvoir travailler. Mmh. Le salaire féminin au 19e siècle, il est souvent considéré comme un salaire d'appoint. Et donc, c'est terrible. C'est beau à point. Oui. Voilà, surtout nous, aujourd'hui, avec nos considérations, on va dire, du 21e siècle, parce que pour beaucoup de personnes, en fait, le travail, c'est une valeur pour laquelle on va être estimé et du coup estimable. On va voir que cette valeur, elle a pris encore plus d'importance au 20e et au 21e siècle. Donc nous, avec notre regard du 21e, considérer que le salaire d'une femme au 19e, c'est un salaire d'appoint, oui, c'est particulièrement difficile à digérer. On imagine qu'il y aura des réactions vives selon les choses que vous allez pouvoir évoquer dans cette conférence. Elle est gratuite et sans réservation. Oui, alors elle est gratuite, oui, puisque c'est le café associatif qui propose cette conférence. Alors sans réservation, c'est vrai, c'est ce qui est noté dans notre programme. Cependant, je vais ajouter un petit bémol. Oui, je pense que ce serait mieux de contacter le café associatif La Belle Poule pour se faire identifier, se dire voilà, moi j'aimerais bien venir. Nous serons à la Maison des Associations à Amboise, sur la place Rabelais-Richelieu. Voilà, c'est l'ancien Eurocentre, hein, si je ne me trompe pas. Tout voilà. Donc il y a une soixantaine de places. On pense que le sujet est assez porteur, c'est un sujet qui intéresse. Et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça vient dans la lignée de plein d'autres rendez-vous qui ont été proposés par La Belle Poule. On repense à la conférence sur Ménie Grégoire. Et oui, par exemple, avec Anne de Balle, tout à fait. Oui, oui. Donc on est vraiment dans un cycle. Et puis même d'un point de vue sociétal, la thématique de la femme est particulièrement traitée en ce moment. Donc il n'y a pas que les femmes qui s'intéressent à la vie des femmes d'une manière très, très générale comme cela. Donc oui, venez venez nombreux, nombreuses, mais je vous invite à vous faire connaître auprès du café associatif La Belle Poule. Et puis, j'aimerais dire peut-être un petit mot aussi, parce que souvent on nous dit « depuis que les femmes travaillent ». Non mais franchement, de qui se moque-t-on ? On sait pertinemment que le travail des femmes a très longtemps été un travail silencieux, invisible, bien sûr non rémunéré. Il en existe toujours du travail non rémunéré pour les femmes. Mais il y en a aussi pour les hommes. Mais par exemple, toutes les tâches domestiques qui ont longtemps imputé aux femmes, c'est du travail invisible, assez silencieux et bien sûr jamais rémunéré. Mais qui remplaçait les femmes quand les hommes étaient partis à la guerre, Anna ? D'autres femmes. les femmes, elles ont vraiment toujours travaillé. D'ailleurs, souvent, vous avez raison, Marlène, on prend pour référence la Première Guerre mondiale et on se dit les femmes, elles ont commencé à travailler avec l'effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale pour remplacer ces hommes envoyés au front. Mais que nenni, au 19e c'est que là, siècle. Ça s'est vu. Oui, c'est que ça s'est vu, c'est exactement ça. En fait, au 19e siècle, on compte quasiment 3 millions de femmes qui travaillent dans les usines, dans les ateliers, dans l'industrie. Je ne parle pas de tout le reste, mais rien que le travail en usine. Parce que c'est vrai que souvent, avec la Première Guerre mondiale, on va penser aux munitionnettes. Vous savez, ces femmes qui fabriquaient des obus, des munitions dans les usines. Mais en fait, les femmes, elles travaillent en usine depuis très très très longtemps, depuis le 19e siècle. En fait, aussi bien que les hommes, les femmes travaillent dans les usines depuis la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, la majeure partie de la population était une population rurale. Et donc, on subvenait à ses propres besoins, aux besoins de sa famille, en cultivant sa terre. Hommes, femmes, c'était un travail vraiment de toute la famille. Oui. Avec l'industrialisation, les terres ont été partagées d'une manière très différente et donc beaucoup de petits propriétaires se sont vus démunir de leurs parcelles. Et là, il a fallu trouver une autre solution pour nourrir sa famille. Du coup, il a fallu aller travailler dans l'atelier, travailler dans l'usine. Et ça a véritablement tout changé. Le nombre d'heures travaillées par semaine a explosé. On estime qu'une trentaine d'heures de travail hebdomadaire était nécessaire pour nourrir sa famille quasiment jusqu'au 16e, 17e siècle. Et quand on a l'industrialisation, on monte à des semaines de minimum 60 heures de travail hebdomadaire. Donc, en fait, le progrès est arrivé, mais le progrès ne nous a pas fait moins travailler. Et c'était déjà le cas durant la préhistoire. C'est complètement fou. On a les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, ils travaillaient bien sûr, et puis il y a eu la maîtrise du feu qui a été très très importante, la maîtrise d'une nouvelle énergie, du coup une nouvelle alimentation qui a laissé un petit peu de temps libre. Et ça, c'est important pour la création artistique. Je pense aux peintures pariétales, pense au langage, le développement du langage. Et oui, ça, c'est important. C'est parce qu'on a gagné du temps grâce au feu. Par contre, après, on se sédentarise, on devient agriculteur. Et là, parce que l'on prévoit sur un plus long terme nos besoins, on passe plus de temps au travail. Mmh. Et oui, donc en fait, il y a plein de moments... C'est un petit peu ce qui se passe maintenant quand on pense à nos retraites. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il faut épargner pour la retraite. Il faut épargner. Mais attendez, je crois que les recherches plus récentes nous démontrent qu'avec l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle dans le monde du travail, les chercheurs sont en train d'essayer de démontrer qu'on va avoir besoin de travailler un peu moins. Et en fait, oui, non mais c'est complètement fou. Sauf que notre société, elle n'est absolument pas prête à ce changement, que ce soit factuel, mais que ce soit même idéologique. Eh bien, peut-être devrons-nous nous préparer à travailler un petit peu moins. Et ça, ce serait complètement fou pour nous, les femmes et les hommes. Oui, je pense qu'on trouverait de quoi s'occuper en allant à des sorties proposées par le Pays Loire-Touraine. Pourquoi pas en prenant le temps découvrir ce qui nous entoure. Et puis, je ne sais pas si vous avez envie qu'on parle encore quelques instants des femmes Marlène ou pas. Bien sûr. Donc on a ce fameux code civil de 1804, on comprend toute la difficulté d'être femme et surtout d'être une femme qui souhaite travailler au 19e siècle. L'accès au métier, il se fait aussi par l'apprentissage et par l'éducation. Mmh. Eh oui, mais qu'en est-il de l'éducation des petites filles au 19e siècle ? Alors, il existe plusieurs grandes lois scolaires importantes, hein, la loi Guizot de 1833 qui impose aux communes de plus de 500 habitants d'avoir une école, d'entretenir et d'avoir une école. Bien sûr, dans cette loi, à aucun moment les petites filles ne sont mentionnées. C'est que des écoles de garçons. Alors, ce ne sont presque que des écoles de garçons. Parfois, tout de même, rendons à César ce qui est à César, on a des écoles qui s'appellent à l'époque des écoles mixtes, en fait, plus précisément des classes mixtes. Mmh. Donc, vous imaginez une classe unique avec l'estrade et le bureau du professeur. Devant lui, une paroi de bois, d'un côté les petits garçons, de l'autre côté les petites filles. Bien sûr, le nombre de filles inscrites est nettement, nettement inférieur à celui des petits garçons parce que dans l'idée du 19e siècle, la petite fille, que doit-elle apprendre ? Les tâches domestiques. C'est à ça qu'elle est destinée. Elle ne l'apprendra pas mieux qu'auprès de sa maman et des femmes de sa famille, bien évidemment. Alors après, petit à petit, ça évolue. Tout de même, on a la loi Fallou en 1850 qui va imposer la création et l'entretien d'écoles de filles pour les communes de plus de 800 habitants. Mais alors, attention, en 1850, 26 millions de personnes en France vivent dans des communes de moins de 800 habitants. Oui, donc autant dire que c'est réservé à l'élite des banlieues, des grosses... Oui, c'est ça, des plus grandes communes, des villes, mais rarement dans le monde plus rural. Et puis le véritable changement, ce sera les lois Ferry. Les lois Ferry de 1881, 1882, qui vont rendre l'école gratuite, chose qu'elle n'était pas avant, qui vont rendre l'école obligatoire de 6 à 13 ans, à la fois pour les petits garçons et pour les petites filles. Là, ils le disent bien, c'est pour les deux sexes. Et puis cette école gratuite et obligatoire, elle devient laïque, c'est important, voilà. Obligatoire, gratuite et laïque. Et là, ça va changer pas mal de choses. Le nombre de petites filles, bien sûr, inscrites va augmenter terriblement. À peu près dans les mêmes périodes, on va ouvrir l'enseignement secondaire aux petites filles. Parce que oui, là, on était sur du primaire, mais qu'en est-il du secondaire ? L'accès au collège, l'accès au lycée. Ça intervient dans ces années-là aussi. Pour le baccalauréat, il faudra attendre un petit peu. Et oui, malheureusement, on attend plutôt le premier quart du XXe siècle, mais pour la date précise, ce sera lors de la conférence. Et puis, dans les grandes instances, là tout de suite, j'ai une date qui m'arrive en tête. Les filles peuvent rentrer à Polytechnique seulement depuis 1972. C'est hier. Oui, c'est ça, c'est hier à l'échelle de l'homme et à l'échelle de la femme, du coup, aussi. Donc voilà, c'est vraiment un sujet très ténu, mais extrêmement intéressant. On peut l'aborder de plein de façons, de plein de biais différents. Ça, bien sûr. Du coup, comme pour chaque conférence, ce sera pour le coup ma vision. En 2025, Anna se penche sur ce sujet-là, voilà comment elle a envie de le traiter. Si c'est quelqu'un d'autre, ce serait peut-être traité différemment. Si c'est moi dans 5 ans, ce serait peut-être aussi d'une autre manière. Mais j'ai trouvé vraiment ce sujet complètement, complètement fantastique. Le syndicalisme et les grèves des ovalistes à Lyon en 1869. Les ovalistes, elles travaillent avec les cocons, dans les soieries de Lyon. Et ça fait partie des premières grandes grèves de femmes dans l'industrie à noter. 1869, les grèves des postières également au début du XXe siècle. Et puis autant on a des métiers qui sont extrêmement masculins ou masculinisés auxquels les femmes n'ont pas accès. Je devisais avec mon collègue Willy Metcharek, qui est le responsable du service patrimoine de la ville de Château-Renaud et responsable du musée du cuir. Les femmes dans les tanneries, non, elles sont inexistantes. Le labeur, ne correspond pas tout à fait. Les trois rares femmes que l'on peut voir apparaître sur les registres, elles interviennent assez tard au XXe siècle et puis elles sont plutôt sur des tâches de secrétariat, par exemple. Sur l'administratif, oui. Et oui. À l'inverse, certaines professions sont carrément longtemps interdites aux hommes. On a la sage-femme, par exemple. C'est une femme. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, on est bien embêté de nommer... Sage-femme, un homme. Ouais. Alors souvent, on dit homme, sage-femme. Alors il existe un terme qui est plus ou moins adopté, qui est mailloticien. Voilà. Je ne le connaissais pas. Voilà, plus 10 points dans une soirée, si vous réussissez à le replacer. on a aussi les maîtresses, c'est ainsi qu'on les nommait, les maîtresses pour les classes d'asile. Alors la classe d'asile, c'est l'ancêtre de l'école maternelle, c'est l'ancien nom que l'on donnait. Et il était interdit aux hommes longtemps, seules les femmes pouvaient exercer ce métier. D'une manière assez générale, les femmes ont longtemps été catégorisées selon les vertus qu'on leur accordait. Donc le soin à la personne, la petite enfance pour l'enseignement par exemple. Et puis ensuite, pour le travail d'usine, tout ce qui est répétitif. Oui, a priori, la femme, ça lui convient bien, la répétition. Il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Oui. La dextérité, voilà, aussi, était une qualité particulièrement appréciée pour les femmes en usine. Par contre, fut un temps où on m'a même voulu retirer de leur salaire le fait de devoir adapter le poste de travail à la femme. Un exemple, une table peut-être de 5 cm plus basse. Bon, voilà, mais c'était dégrévé du salaire. Des choses qui nous paraissent, nous, aujourd'hui, totalement folle. Complètement folle. Voilà. Et puis, on a des femmes artistes, on les évoquera durant la conférence. Je leur dévoue un petit chapitre, bien on sûr. On les autorise à sortir un peu du lot, les artistes. Oui, peut-être légèrement plus facilement que d'autres professions, vous avez raison. Et puis, avec le droit de vote, les femmes politiques. Et oui, les femmes dans la politique, et plus précisément en Indre-et-Loire et en Pays Loire-Touraine. Donc voilà un petit peu les sujets que nous aborderons, le travail à domicile également, et puis, une dernière chose que j'aimerais vous dire, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, j'ai l'habitude pour mes différentes recherches, mes différentes visites ou conférences, d'aller jeter un coup d'œil au registre de recensement. Alors, les registres de recensement, ils ont été réalisés entre 1836 et 1936 dans les communes du département, environ tous les 5 ans. Et donc, un agent recenseur venait et il passait de maison en maison, comme un recensement aujourd'hui. Mmh. Et on identifiait les personnes qui résidaient dans cette maison, l'âge de la personne, et puis la dénomination ou la fonction. Et très, très, très longtemps dans les recensements, on va avoir, par exemple... Monsieur Dupuis, hein, je donne ce nom complètement au hasard, Monsieur Dupuis Vigneron, Madame Dupuis, sa femme. Sa femme, oui. Elle n'a pas de prénom. Alors, bon, elle avait probablement un prénom, mais c'est surtout que sa femme, en fait, quand on voit tous les documents anciens, on voit très bien les femmes travailler dans les vignes. Mmh. Mais leur travail était, encore une fois, invisibilisé. Mmh. Et dans les recensements, oui, c'est très, très, très clair. Mmh. Oui, elle n'est que la femme de Monsieur Untel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on voit un petit peu évoluer au fil des recensements. Plus on avance dans le temps, plus on arrive à bien définir et à mieux noter la profession ou le métier exercé par une telle ou une telle. Voilà. Bon, en tout cas, pour avoir une vision un peu plus globale de ce travail des femmes en Touraine au 19e et au 20e, je ne peux que vous inviter à venir assister à la conférence du 7 novembre. Qui aura lieu, voilà, j'allais vous demander de le rappeler, vous l'avez fait très justement, donc le 7 novembre, ce sera donc à la Maison des Associations. À 18h. À 18h. Oui. Bah nous, c'est vraiment notre credo, on fait toujours les conférences à 18h. Pour nous, d'habitude, c'est le jeudi soir, mais là, comme c'est le café associatif qui nous l'a commandé, on se cale sur leur programme à eux, avec les conférences le vendredi soir. Et je vous invite à les contacter si vous voulez suivre la conférence, voilà. Eh ben super, merci beaucoup Anna pour ce partage passionnant, donc entre le programme des vacances de Toussaint, le regard sur le travail au féminin et puis le côté fun de la murder party originale. Eh ben vous nous avez encore une fois donné envie de redécouvrir le patrimoine local sous toutes ses formes. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Je peux pas, j'ai patrimoine. Et oui, avec grand plaisir, avec quelqu'un de l'équipe, Lauriane, voilà. Camille, Arnaud, je ne sais pas. Je crois que ce sera Camille, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc si ce n'est pas elle, eh ben désolée. Et en tout cas, d'ici là, profitez bien de toutes les activités et événements sur notre territoire. Merci Anna. Merci Marlène, merci à tous. Soyez curieux, amusez-vous. Un peu de sérieux, mais un peu d'amusement, c'est bien aussi. Exactement.